Ouais, c'est comme ça devant une société en péril. Je vais vérifier si tout est correct exactement. Le générique est placé. Mais là, il y a une chanson que j'avais entendue en faisant ma bière, en embouteillant ma bière, et j'ai trouvé ça excellent. Il me semble que c'est un duo, mais j'essaie de trouver dans le carnet parce que j'utilise encore des CD, moi. Oh, je parlais ancien, moi, c'est bien beau, là, les MP3, mais le son n'est pas très bon. FLAC, oui. Plac, plouc, plic, j'ai rien contre, mais FLAC, l'extension musicale, le problème, c'est qu'il n'y a pas de carnet, il n'y a pas de référence, on ne peut pas toucher. Comme, là, écoutez, là, je touche et je veux savoir le duo. Est-ce que c'est possible, avant de commencer l'émission, de devant une société en péril, de voir si d'entendre une chanson de la chanson? Lyric. Et puis en plus, il n'y a pas d'éclairage ici. Je veux pas, non, je veux pas faire ma forte tête, ni me prendre pour une vedette. Je sais que les vedettes, là, sont navrants, oui. Toujours en train de revendiquer. Il y a un problème ici, il y a un problème là. En duo avec, il n'y en a pas de duo. Donc, comment je. Est-ce que c'est les vapeurs de ma bière qui ont fait en sorte que. Je croyais que c'était la neuvième, mais je crois qu'elle est trop courte pour que ce soit un duo. Et sur l'album, ben, on voit pas de. C'est bien beau, mais les photos sont. Ah, c'est bien beau, c'est bien. Ah, tout est bien beau. Elle fait ça chez elle, je crois bien. Et c'est un peu comme mon studio d'enregistrement. Faudrait que je lui demande si elle voudrait venir chez moi. Pour faire de la musique ensemble, jouer de la guitare. Oui, pardon? Non, je joue pas de guitare. Je peux regarder jouer de la guitare. Pas de problème avec ça. Là, êtes-vous prêt à commencer l'émission, là? On est en ordre! Oh! Je disais j'annonçais mon menu, puis nous étions en ordre. Oh, public chéri, bonsoir. On n'a pas le générique. Ah, c'est bon. Oui. Elle me fait des signes. Il tire la sauce. Ah, oh, ça, il n'y a pas de problème. Je peux t'étirer la sauce, ma chérie, pendant 2 heures. Sans générique. Ah, sans invité. Sans absolument besoin de personne, moi. Oh, je m'auto-satisfais. Mais j'aimerais ça, avant de clapitoucher puis de vous faire entendre la musique, le duo. Et 5-6 étoiles, de 5-6 étoiles. Ben, on peut peut-être passer on l'a retrouvé le générique, c'est merveilleux. Et puis, ben, je vais vérifier. Moi, je vais placer la 9. On va dire que c'est la 9. Puis, si c'est pas ça, ben, on cherchera ensemble. Aimeriez-vous ça? OK. Êtes-vous prêts alors? C'est parti! Aujourd'hui, le 24 décembre 2018, monte le volume et hume la différence que c'est parti, mon kit! Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bintumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! How could that happen? How could that happen again? Where the fuck was I looking when all his horses come in? And he built an army of kamikaze. Facing space and beyond, build an army to come and find me. Come on, come on. Je l'ai trouvé, la chanson, le duo du même album avec l'excellent, l'incontournable, le génie musical, Thom Yorke. Je veux simplement vous dire bonjour, bonsoir, bonne nuit. Vous écoutez Errance Rénaldienne. Vous êtes sur CKRL le 89.1 à Québec et vous venez d'entendre deux chansons de PGRV, extrait de son album Stories from the City, Stories from the Sea. Et c'est un album de PGRV qui est sorti en octobre 2000. Cet album a reçu le Mercury Music Prize. Les ventes sont estimées à 1 million d'exemplaires. Le magazine Rolling Stone l'a classé 8e meilleur album rock féminin. En 2006, le magazine... Et ça, je trouve ça bizarre. Non, OK. En 2006, je croyais que l'album était sorti et puis le magazine l'avait amené au zénith du prestige avant qu'il soit sorti. Vous croyez que c'est ça, là? Je me suis dit, ah, ils sont forts. Hein? Oh, mais c'est pas ça. Les ventes sont estimées à 1 million d'exemplaires. Le magazine Rolling Stone l'a classé 8e meilleur album de rock féminin. En 2006, le magazine Time l'a choisi parmi les 100 meilleurs albums de tous les temps, tous genres confondus. Et en 2012, Rolling Stone Magazine classe cet album parmi les 50 plus grands albums de tous les temps, catégorie Woman Hall Rock. Cet album est le plus grand succès commercial de PGRV en France. Il fut certifié disque d'or pour plus de 100 000 exemplaires vendus, alors qu'au Royaume-Uni, l'album est de disque de platine pour 300 000 exemplaires vendus. Au Québec, on peut pas... Hein? Au Québec, c'est inestimable. PG même, on l'a appelé. Elle était mêlée, je sais pas, au Québec, j'ai pu payer mes impôts grâce aux albums que j'ai vendus au Québec. De l'album Stories from the Sea. Et à travers ça, on zigzague à travers une musique très rock, ressentie. Toutes les paroles et les musiques sont de PGRV et bien sûr la 7e pièce qui s'appelle This Mess When Pardon? Vous voulez que je répète? Elle dure 3 minutes 57. Mais c'est This Mess Wherein en duo avec Tom York de Radiohead. On dirait que quand je parle en anglais, ma langue n'arrête pas de tourner. J'haïs ça! C'est un moment où je devais vous témoigner ma rage, ma frustration. De la langue anglaise. Aimez-vous ça? Aimez-vous la anglaise? Là, vous allez vous dire qu'est-ce que t'as fait, Reynald, gagner la langue anglaise? Ben, juste le fait d'exister. C'est dur pour moi savoir qu'il y a une autre langue autre que le français. Autre que l'italien, parce que j'adore l'italien, moi. Je parle très bien italien. Al dente. Luciano Pavarotti. J'ai eu, hein? Spaghetti, macaroni, pizza. Ah, mon italien, c'est là. Sauce bordelaise. Ça, c'est pas l'italien, ça. Aimez-vous ça, la sauce bordelaise? Pas borderline, borderline. Comment ça, ouais, ça fonctionne plus. Borderline. 1-2, borderline. 1-2, borderline. Hello, bonjour, mes amis. Bonjour, mes amis. Les amis, j'aime bien, non? Borderline. Hein, comment ça? Il y a un trouble profond. Borderline. Merci. J'ai eu peur, pour le 24, il n'y a pas d'écho. Le son est trop fort de 1, il n'y a pas d'écho. Sauf dans ma tête. Et nous sommes revenus, nous avons quand même embrassé l'œuvre de l'opus de PGRV. Aimez-vous ça, embrasser le PGRV? C'est pas des affaires, hein? L'intelligence, là. C'est comme les affaires. Connaissez les... pas les hommes, mais les affaires. Pas les affaires ou laisse faire. Les faire. L-I-Z, L majuscule, I-Z, espace, P-H-A-I-R. Les faire. Très bonne chanteuse rock. Je sais pas de quelle nationalité est-elle. Les faire. Je vais aller voir. Je vais aller voir dans mes affaires. Les affaires. Les P. J'ai dit comme P-F-A-I-R. Mes indications sont bonnes. Mon fil est court. On va les tirer. Parfait. Voyons donc, c'est pas... Ah oui? Eh bien, joli, les affaires. C'est les affaires que je connais? Ben oui. C'est une auteure, compositrice, interprète. Je crois que elle vient des États-Unis. Les affaires de son vrai nom, Elizabeth Clark Fair, née le... Ah, hein! Nous avons la même âge! Les affaires, je t'aime. Les affaires de son... Les affaires. Ah, d'accord, vous savez qui, là, la chanteuse? Elizabeth Clark Fair, née le 17 avril 1967. Donc, elle est plus vieille que moi. Hein? Est une auteure, compositrice, interprète et guitariste américaine, originaire de Chicago. Elle obtient un très bon accueil, tant de la part des critiques qu'auprès du public, de son premier album, Exile and Gerville. C'est, en plus, c'est l'album que je connais le plus de Les Affaires. Mais elle a bien changé. Ah, oui. Apparition. Elle apparaît. Ah, OK, je pensais qu'elle avait apparu dans ma vie. Elle apparaît à la vie de la série. Ben, voyons donc, toi. En 2003, elle mesure 1,57 m. Tu parles de... On s'en foutu de sa grandeur. Ils finissent en disant, elle mesure 1,57 m. Pourquoi ils disent 3? On va aller voir pourquoi ils disent ça. Les affaires... Excusez. Je ne sais pas pourquoi ils disent ça. Ça doit être un film, je sais pas, à mesure 1,57 m. Bon, ben, tant mieux pour elle. Mais elle fait plus grand-chose, là. Non, elle fait plus grand-chose à part une excellente salade de macaroni. Si Les Affaires vous invitent, là, demandez-lui de vous préparer sa salade de macaroni. Voyons, je perds la... Oui, j'ai un gargoton sur le fond de la gorge. C'est bizarre, mais je crois qu'on va passer une pause musicale à cause de ça. Et je vais revenir avec beaucoup d'extravagance. Vous allez bien le sentir. Et peut-être me sentir. Ça fait longtemps que je ne me suis pas lavé. Ah, les blagues risquent d'être meilleures que ça. Oh, I smoke at Joe's Cafe. Oh, I smoke at Joe's Cafe. One day while I was eating beans. I smoke at Joe's Cafe. Just sitting digging all the Joe's Cafe. A chick came walking through the door that I had never seen before. At least I never saw her down at Smokey Joe's Cafe. Ooh, and I started shaking when she sat right down next to me. Ooh, her knees were almost touching mine at Smokey Joe's Cafe. A chill was running down my spine at Smokey Joe's Cafe. Oh, I could smell a sweet perfume. She smiled at me, my heart went boom. Then everybody in the room at Smokey Joe's Cafe. They said, man, be careful. That pig belongs to Smokey Joe. From behind the counter, I saw a man. A chef hat on his head and a knife in his hand. He grabbed me by my collar and began to shout. You better eat up all your beans and bar and clear out on that. Yes, I know I'll never eat again at Smokey Joe's Cafe. And so we'll never meet again at Smokey Joe's Cafe. I'd rather eat my chili beans at Jim's or Jack's or John's or Jean's than take my chances eating out at Smokey Joe's Cafe. Ooh, I risk my life when the Smokey Joe's a crazy fool. Cafe. Oh, I at Smokey Joe's Cafe. Oh, I at Smokey Joe's Cafe. La musique, là, ça existe depuis le début des temps. Les Waterloo en... Madame, s'il vous plaît. Les Waterloo en Amérique centrale. Non, on passe plus... C'est terminé, là, la musique, pour le moment. Non, tout va bien? Oui. Est-ce qu'on peut faire une fondue comme ça, ici, là? Parfait. Ah, c'est merveilleux. Les gens s'en rendront même pas compte. Ah, non, non. Mais je vous le dis. Je vous le dis, ça coule de source. Alors, depuis la nuit des temps, la musique, même en Zimboni, en Afrique centrale, ça existait avant même que le Big Bang embarque. Parce que quand le Big Bang a embarqué, déjà là, c'est une musique intense, c'est une musique réactionnaire, c'est une musique anarchiste qui a permis la fabrication des étoiles par l'explosion d'un noyau. Noyau a pété, tu sais. Il y avait une musique, tu sais ce que ça veut dire, là? Il y avait une musique intense à l'intérieur du noyau, j'allais dire à l'intérieur du moineau. Il y avait un moineau. Le moineau était coincé dans le tuyau. Ça fait que là, lui, il faisait de la musique à pit, pit, pit. C'est comme assez des moineaux. T'es un méchant moineau, les moineaux. C'est pour ça qu'on dit que t'es un méchant moineau. Pas facile d'être un moineau, là. Avez-vous essayé? Pendant quelques semaines, faites le moineau, vous allez voir. Lâchez-vous le moineau, puis faites le moineau. Pas en mono, en stéréo. Et faire le moineau en stéréo, c'est plus difficile que faire le moineau en mono. Parce que le moineau en mono, bien là, tu peux le faire tout seul. Mais le moineau en stéréo, tu dois diviser la bouche en deux. Pas tout le monde capable de diviser la bouche en deux. Hein? La majorité ont de la misère à l'ouvrir pour dire quelque chose d'intelligent. Là, t'attends, hein? T'sais, on est invité. Il y a des imbéciles qui sont là. On t'invite. Ouais, ben, hey, wow, le blaireau, là. Wow. Tu m'invites, je veux rien savoir. Travaille avec le public, mais restez tout seul chez nous, moi, là. Mom bercer. Pas mom boucher, mom bercer, moi. Mom dire, mom raconter des histoires, moi. Puis, mom, j'aimerais savoir, tu le moineau en stéréo? Dans le tuyau? À l'intérieur du noyau. Et il devait battre de l'aile, lui, là. Il voulait sortir. Puis là, il y avait des petites chansons, mais il n'y avait pas de réverbération. Donc, la musique, quand il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas de son. Saviez-vous ça? Pas d'oxygène, pas de son. Moi, une chose que je me demande, et je réponds déjà non, puis je ne sais même pas pourquoi je dis non, parce que je ne suis pas certain. Merci, ma pile est à terre. Ma pile est à terre. Mais si on se retrouve, là, toi puis moi, dans la piscine, on se plonge la tête, toi puis moi, dans la piscine. Si je te crie, si je chante dans l'eau, est-ce que toi, tu vas m'entendre? Je ne crois pas. Parce qu'il n'y a pas d'oxygène. Mais là, est-ce qu'il y a de l'oxygène dans l'eau? Je n'ai pas eu des cours de physique. Faudrait que j'aille voir sur les internets. Mais je vais me faire confiance. Je dis qu'il n'y a pas d'oxygène dans l'eau. Donc, il n'y a pas de transmission de décibels. Il n'y a pas de lancer. Hein? Il n'y a pas d'espace. Parce que l'eau nous colle. L'eau nous suit notre la courbe de notre corps. Alors, quand on crie, il n'y a rien. Là, même pas là, il n'y a pas d'oxygène. Donc, si même si tu balances, je t'aime, ça se rend pas. Même si tu cries, ça se rend pas. Donc, le moineau, dans le centre du noyau, avant que ça explose le Big Bang, puis qu'il y ait de la musique, imaginez-vous le son que ça a fait. Mais là, avec ses mains pires que ça, il dit. Ça ressemblait à ça. À peu près, là. Là, vous avez, c'était extraordinaire. Meilleur que Walt Disney, meilleur que Cirque du Soleil. Tous les spectacles que vous avez vus, 100 fois Pink Floyd, même sur le LSD, rien à voir avec le début du monde. C'était extraordinaire. Tu pouvais te coucher à terre, là, tu voyais ça. Ah, là, vous allez me dire, il n'y avait pas de terre, c'est vrai. Mais coucher sur un nuage, hein? Tranquillement. Avant d'y pelleter, il faut que tu te couches. T'sais, pour connaître un peu là, la texture. Si c'est pas la texture, comment tu peux? À tâtons, puis à tâtons, on se trompe souvent. Alors, mieux vaut connaître le matériel dans lequel on va travailler. Alors, couchons-nous sur le nuage, examinons discrètement pour avoir l'air intelligent après. Là, tu tords d'un instant, oh, ça va, ça, bon, je sens rien. On dirait que c'est de l'humidité. On dirait que je suis couché sur rien. C'est pas de la guimauve, c'est pas de la ouate. C'est pas Caroline Webb qui chante c'est la ouate. Parce que de toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère. Passive, elle est sensible en désiré de soise. C'est quoi soise? C'est quoi sas? Ben voyons donc, ma main passe au travers. Et là, t'essayes, là, t'as peur, là. Tu vois, je vais tomber, il n'y a rien en dessous. C'est rien de consistant. C'est un trappe-l'œil, c'est un tape-l'œil, un cac-l'œil, un coq-l'œil, c'est un coq-l'œil, Roger Coq-l'œil. Il y a le grand Roger Coq-l'œil qui chantait, là. Ah ouais, yeah, ah ouais, yeah. Puis là, ah ouais, yeah, il voyait rien. Ah ouais, yeah, le coq-l'œil, c'est un vrai coq-l'œil. Il était coq-l'œil un œil à la fois. Il était bicoq-l'œil. Eh bien, essayez d'être bicoq-l'œil, vous. Vous avez eu la misère d'être coq-l'œil, être tout nu. Restez habillé, vous êtes pas regardable. Bon, hey, on dit deux des vraies affaires. Même petit Padre qui est toujours en train. Il fait chaud, ben oui, c'est l'endroit. Moi, c'est l'endroit, je n'aurai jamais l'endroit parce que j'y crois pas. Quand tu y crois pas, tu l'as pas. Tu peux pas accepter quelque chose qui n'existe pas. Si tu dis non, c'est pas vrai, ça va, tu nies. T'es un négationniste, bon. Quand c'est un négationniste, tu te refuses. Tu fermes la porte. Tu fermes les lumières. Ça n'existe pas. Mon oncle est fâché. C'est pas vrai. On se fait avoir. On nous monte là, contre les idées reçues sont là. Les idées. Avez-vous vu tout le monde avec les idées reçues qui te regardent en pleine face en disant non, on a raison. Ce qu'il nous faut, c'est Céline Dion. Tu es malade? Jamais de la vie. Même à deux doigts de plus avoir de musique de jusqu'au moment. Depuis la nuit des temps, là, jusqu'au moment. Où s'arrêtera le son? On ne peut pas entendre ce son-là, moi. Aucun son. Pas ce son-là. Il y a des limites. Non, il n'y en a pas de limite. Vous avez raison, même petit Baudou. Il n'y en a pas de limite. On s'en crée beaucoup, là. Non, j'ai pas dit qu'on était concentrés, mais on s'en crée, du verbe créer. On s'en crée beaucoup. Des barrières. On se crée des propres refus. Elle voudra pas. Elle voudra pas. Je ne peux pas lui demander. Elle voudra pas. Ben oui, mais si tu ne demandes pas, tu ne sauras pas. Elle peut être touchée. Sans la tortue. Toucher la tortue. Connaissez-vous ça, toucher la tortue? Ça, c'est mon enfance. Comme Liz Affair. Liz Affair qui a mon âge, là. Même elle est plus vieille. Moi, je suis née en mois de juin, elle est mois d'avril. Elle est plus vieille qu'un avril, mai, juin. De deux mois. Ah, oh, on ferait un beau couple, hein? Les affaires et Rénal Gagné. Je me crois un joueur de hockey, là. J'ai bien aimé, je vous l'ai dit, le premier album, là. C'était excellent. On sent un peu comme Sinead O'Connor. Lion and Cobra, quel disque! Même si c'est un côté moi, ce qui me fascine, c'est la fougue, l'énergie, la musicalité, la voix, l'intensité, parce que l'anglais, je comprends rien. Mais je peux aussi aimer un album en italien, hein. En russe. Vysotsky, j'adore le russe. Vis-à-vis Vysotsky, moi, je ne suis à rien, là. Je suis un timide personnage parce que tu es devant le poète maudit de la Russie, Vysotsky. Il a fait une chanson qui s'appelle 07. Ça ressemble à Chromia, Winamala, Yibaba, Widibaba, Zimbidaba, Winamaba, Sinababa, Wibaba, Pou! C'est à peu près ça. Ça a dit, je signale le 007, je veux parler à quelqu'un. Ils ont fait la traduction, j'ai le livre, là, c'est très beau disque avec Madame Flavie. Mani, la grande comédienne, là. Vani, on l'appelle Vani, c'était mon ami. Pendant ça, je cherche. Ah, pas les autres, c'est pas sa faute. C'est qui j'ai dit, non? Vysotsky, chanteur russe. Hein. On fait chanteur russe, ça va m'aider un peu. Chanteur russe. Comme je vous ai déjà dit, je pense à la dernière émission, je connais très bien le russe, la preuve, vodka. Chanteur russe, Vysotsky. Vysotsky. Ah, ben oui, hey, ben, y'en dans. Vysotsky, là, il va me dire avec qui... Vladimir, ben oui, tous les Russes, ça s'appelle Vladimir. Vladimir Vysotsky, de son vrai nom, Vladimir Saminovitch Vysotsky. Et puis, ben là, l'écriture en russe, c'est assez spécial, hein? C'est un dialecte... Marina Vladi, voyons donc, hey, je perds mon flaming, hein? Moi qui avais le flamenco, j'ai plus de flaming. Terminé. Ma connaissance générale, Marina Vladi, une dame sans aucun... Je l'ai entendu récemment dans une rencontre à la télévision, une rencontre télévisuelle. Vraiment une ouverture sur le monde extraordinaire, une dame que j'adore, comédienne, grande comédienne. Et puis, c'est ça. Elle a marié cet homme russe. Pas facile, sans doute, de vivre avec Vysotsky, parce que c'est quand même un type qui était rongé. Rongé par la création, rongé par la vie, rongé par ce qui lui brûlait en lui, l'anarchie, en plus en Union soviétique. L'Union soviétique, c'était assez spécial à cette époque-là comme aujourd'hui. Recevez-vous comme moi des courriels, monsieur, de Russes qui veulent se marier avec vous? Ils vous connaissent pas. Et puis, il y a des photos de la jeune fille. Puis, communiquez avec moi, envoyez-moi vos photos. J'irai vous rencontrer chez vous, blablabla. Je reçois beaucoup de courriels de Russes. Puis, je ne sais pas pourquoi. Hein? Je dois avoir une certaine affinité avec la vodka. Mais je ne réponds pas parce que de un, ça ne m'intéresse pas. De deux, les femmes objets ne m'intéressent pas. De trois, parle pas le russe. De quatre, amenez ça ici au Québec. Pourquoi faire? Je vous ai dit, je compte la femme soumise et je veux une femme de tête, moi. Essaye de parler avec une femme de tête russe quand tu parles pas russe. Les semaines doivent être longues, mais je crois beaucoup aussi aux ondes. Pas besoin de parler. On se regarde. C'est long des fois, là, mais on se regarde. Ah. Une image vaut mille mots. C'est beau, hein? Oh, toute une vie à se regarder, pas se parler. Ça doit se faire. Ça doit être agréable. J'imagine. J'ose, comme on dit souvent, hein, y a une expression qui dit « J'ose l'espérer. » When marimba rhythm start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease.

one of these mornings you're gonna rise up singing. Yes, you spread your wings and you take to the sky. But till that morning, there's nothing can harm you. Yes, with Daddy and Mommy standing by. Fish are jumping, and the cotton is high. Oh, your daddy's rich, and your ma is good-looking. Aujourd'hui, merci, merci, c'était merveilleux. Aujourd'hui, le lundi. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est ouvert de l'autre côté. T'écoutes, t'es partout. Ah, moi, je suis tout azimut. Aujourd'hui, le lundi, 24 décembre. Non, t'as hâte au mois de janvier? Ça s'en vient. Attends, une chose à la fois. Un lundi à la fois. Le 24 décembre 2018, l'errance. Les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Les sons sur la chaussée, les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un enchantement narratif, unissons-nous autour de l'extravagante chanteuse Java Crystal Gaga, que nous entendrons une seule pièce musicale, le reste ce sera tout azimut. Disons tout azimut. De tout et partout. Donc, oui, c'est ça. Hey, on s'est arrêté à Java, Crystal, Gaga. Bonne émission. Trick me into doing battle, calling out fake up, wanna get me rattled, wanna pull me back behind the fence with the cat, building your lenses, digging your trenches, put me on the front line, leave me with a dumb mind with no defenses, but your defenses. If you can't stand to feel the pain, then you are senseless. Since this, I've grown up some different kind of fighter. And when the darkness comes, let it inside you. Your darkness is shining, my darkness is shining. Have faith in myself. Seen a million number doors on the horizon. Now which is the future you're choosing before you gon' die? And I'll tell you about a secret I've been undermining. Every little lie in this world come from the vine. Say you're my love, say you're my home. Till my chin back, slit my throat. Take a bath in my blood, get to know me. All out of my secrets. All my enemies are turning into my teachers. Speak up, light's blind in no way dividing. What's yours or mine when everything's shining? And your darkness is shining, my darkness is shining. Have faith in ourselves. Québec, effectivement, Québec. Vous avez raison. Entièrement raison. Ok. La période des festivals là-bas. Oui, comme partout sur la planète en été, il y a le festival à Montréal de la francophonie, il y a aussi Juste pour rire, mais ça, ça n'a rien à voir avec la musique. Celui du Balatou aussi. Oui, le festival de jazz. Ouais, de jazz. Le plus grand festival, un des plus grands après. Avant Montreux, sans doute. Oui, avant Montreux. Oui, non, c'est bien le Canada, parce que le Canada, c'est quand même là où il y a le plus de développement culturel. Hein. Et le Québec surtout. Ouais, non, mais Québec. Tu l'avais pas mal au début. Ouais. Ça se mange un peu. Voilà. Et toi, comment tu vas? Ça va bien. Excellent. À chaque fois que je vais voir sur des sites internet, tu te compares ou on te compare à Lady Gaga? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout le temps. Alors, parce que, en fait. On est gaga parce que. Oui, ok. On fait toujours. Les gens, parce qu'on a un petit brin de folie dans la tête, oui, et donc oui, on oui. fait les choses. Et les gens disent non, c'est une gaga. Ok. Et hier encore, je l'ai appelé, je lui ai dit écoute bien, les gens ne veulent même plus m'appeler Java Crystal. Ils m'appellent tous gaga. Je vais sur un plateau de télévision, gaga. Je vais n'importe où, gaga. Donc voilà, c'est. Mais est-ce que tu vas changer ton nom ou tu vas rester fidèle à. Non, je reste en fait. Au début, je m'appelais Java Crystal. Oui. Après, avec lui, il m'a dit non. Tout le monde t'appelle Gaga. Pour que les gens ne se trompent pas, on va ajouter Java Crystal Gaga. Donc maintenant, okay. Il y a Gaga dedans, donc c'est bon. OK. Voilà. Donc, donc on peut m'appeler c'est Java un compromis. Crystal, c'est un compromis. On peut m'appeler Gaga aussi. OK, c'est un compromis. Ouais. Pour pouvoir exister avec monsieur. C'est ça, c'est à peu près ça. Non, pour que les gens ne se trompent pas dans la façon. Parce que, ah, on l'appelle Gaga, bien sûr, mais bon, c'est son nom aussi. Mais est-ce que c'est aussi pour l'extravagance? Est-ce que je suis extravagante? Moi, si je suis extravagant? Moi? Toi, ben, sans doute que oui. Pour faire le métier que tu fais, il faut l'être un peu, sinon on ne se démarque pas. Je suis comme ça depuis que je suis toute petite. Alors, okay. Ouais. Alors tu continues? Ouais, je continue. Alors, alors tu n'as rien alors, changé? Parfois, je ne fais pas exprès, alors moi, je ouais, suis ben, c'est ça, là. Voilà. Tu fais ton spectacle? Ah oui, j'ai toujours fait le spectacle depuis. Est-ce que c'est l'enfance qui t'a amené un peu à monter sur scène et à chanter? Enfin, comme mes parents, ils étaient... mon père, bon, il n'est plus maintenant père son nom, il était chanteur gospel. Oui. Et c'est lui, il a enseigné des chants aux gens. Et maman, elle était dans la couture. Hein, OK. Donc, ce côté-là, manuel. J'ai un peu appris manuel. À être maniaque sur des choses que je porte, sur des okay. trucs que je fais. Sur la comédie, c'était papa aussi, parce que lui, s'il arrive ici, tout le restaurant va tomber de rire. Parce okay. qu'il va faire un truc que tout ah, ouais, ouais, ouais, pour ouais. amuser toujours. Et puis, j'ai appris avec lui comme ça. OK. Autodidacte, après, comme ça. Mais la musique, t'as pris dans ses bras ou... J'ai appris ça dans ses bras et vraiment, c'est devenu professionnel. Moi, j'ai toujours fait ça comme ça. Hein. Je fais rigoler tout le monde. Je chante une chanson, les gens disent « Oh non, mais ça là, ouah, tu auras un tube !» Mais c'est pour rigoler. Ouais, ouais, ouais. Jusqu'à ce que je le rencontre en 2014. Vous êtes rencontré à quel endroit? Il avait fait une conférence de presse. OK. Parce que c'est un très, très grand producteur. Oui. Il a produit Orlus Mambélé, oui. Princesse Erika, Awilo Longomba, Koffi Olomide, Youssou Dour, l'autre qui fait du reggae. Alpha Blondy. Alpha Blondy. Donc, bonjour, oui, oui. Bonjour. Bonjour. Alors moi, je... On prend après? On peut après. Ah non, non, non, on peut prendre pendant. Si, si, on peut ah, après. Oui, oui, oui. Ah non, pendant. Pendant. Ah, oui, oui, pendant. En coca, pardon. Alors. En coca. Moi aussi. Merci. Deux coca. Oui. En Monaco. Et en Monaco. En demi, monsieur? En demi, un petit peu. Ok, ça marche. Et donc il a, on était une réunion. Il devait faire une réunion avec des artistes, des producteurs et tout. Et moi, je n'étais pas du tout au courant. J'ai une amie qui, on ne se voyait pas depuis plus de 4 ans. Et tout d'un coup, elle m'appelle, elle me dit, il y a une réunion des artistes dans un mois. Il faut que tu viennes avec moi. Elle n'est pas du tout dans la musique, hein, la fille. Mais elle avait dansé, on faisait la fête de la musique. Elle était comme ma danseuse. Hein. Et un mois après, plus tard, elle me rappelle, me dit, demain, on va à la conférence. Là. J'ai dit, oui, on va aller. Et le jour de la conférence, elle m'appelle, elle me dit, t'es prête? J'ai dit, oui, je suis prête. Oh, je n'étais pas du tout prête. Tu bluffais. J'étais sur mon canapé tranquille et tout. Et elle est partie au métro Madeleine. Elle est restée 2 heures à m'attendre et elle avait son bébé. Hey. Et elle me dit, alors on se rejoint dans le métro Madeleine. J'ai dit, oui, je... Ah, t'inquiète, j'arrive. 2 heures après, elle me rappelle encore, mais tu es où? C'est sûr que tu n'habites plus à côté, tu es loin maintenant. Et en plus, je suis venue avec ton bébé là, que tu adores. Ah putain, j'ai dit... Il faut que je me prenne. Ah, ça, c'est pas bon ça. Là, j'ai fait quelque chose qui n'est pas bon. Ouais. Parce que je voulais pas aller en fait. Ok. Il dit, tu es avec le bébé, me dit, oui, alors, paf, je rentre dans la salle de bain, je porte un truc, je cours, comme Madeleine n'était pas loin du chemin, vous habitez sur des grands boulevards, j'arrive, je la trouve, ils sont en train de jouer avec le petit et tout, alors, on va à la conférence, on trouve la conférence, on prend une petite place derrière, donc ils font leur conférence, on en a, les producteurs parlent, les managers, les artistes et tout, et lui, il était chef conférencier et tout ça. Et après, il y a des dames derrière moi qui disent, oh, vraiment, c'est pas possible. Ils donnent pas la parole aux femmes ici. Depuis qu'on lève le doigt ici aujourd'hui, personne ne nous regarde. Donc, je me suis retournée, je leur ai demandé, vous voulez prendre la parole? Elles m'ont dit, oui. Elle a dit, je vais la prendre pour vous. Alors, je me suis levée, sans le micro. Bonjour, si vous pensez qu'ici, là, comme j'aime bien faire mes gestes. Ouais. Donc, j'ai dit, voilà, je suis venue, ben, je comprends pas. Voilà. Lui, il a dit, il a vu ça, il a dit, allez lui donner le micro, s'il vous plaît, parce que là, c'est grave, ça. Donc, ils sont venus. Dès que le garçon, le monsieur qui était en train de parler a fini, ils lui ont donné le micro. Et dit, donc, je leur ai dit, voilà, j'ai pas grand-chose à dire. Juste, j'ai pris la parole pour les dames qui étaient derrière. Et je me présente aussi, je suis Java Cristal. Bon, voilà, moi, c'est mon ami qui m'a amené ici, sinon. Mais bon, si vous invitez les gens et que vous leur donnez pas la parole, ça ne sert à rien. Parce que nous aussi, peut-être, ils ont quelque chose à dire. Alors, voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, messieurs. Bon, après, je n'ai rien là pour le moment, je discute un peu. Après, je leur ai dit ça et lui, il a retenu ça. Et c'est comme ça que vous êtes rencontrés, voilà. Et que vous avez... Voilà, il a dit, c'est ce qu'il m'a expliqué après, il a dit, si quelqu'un peut prendre la parole alors qu'il y a 500 personnes dans la salle, c'est pas possible. Et couper la parole aux gens comme ça, je vais voir qu'est-ce qu'elle fait. Si elle est dans la musique, je la produis. Si elle sait n'importe quoi elle fait, je produis. Alors vous étiez déjà gagné d'avance? Oui. Ah, vous ne voulez pas parler au micro? Non, je ne sais pas. Oui, okay. si, elle a posé la question, je l'ai répondu. Okay. Et puis à la fin de la conférence, comme il y avait, on se disait bonjour, ouais. Un peu et tout, je demandais qu'est-ce qu'elle faisait, elle m'a dit qu'elle chantait. J'ai dit, bon, ok, à l'occasion, je vous produirai. Voilà. Et pour après, j'ai pris quelques mois, quand j'étais disponible, de la rencontrer. Okay. Et le jour où je l'ai rencontré, le lendemain, je l'ai envoyé dans un studio d'enregistrement pour enregistrer mon titre. Alors, vous avez vraiment eu le coup de foudre? Pas le coup de foudre, parce que je fais partie d'un des producteurs qui fait les choses par instinct. Okay. Je ne cherche pas les gens à voir, des gens qui ont déjà des vécus. Je cherche des gens, sincèrement, qui ont un look, des gens qui ont une présence et une personnalité à travers leur personnalité qui s'exprime. Et c'est ce que je recherche chez un artiste, la spontanéité en fin de compte. Et c'est ce que tu as trouvé? Ouais, c'est ce que j'ai trouvé, parce que j'ai produit aussi un artiste dans son genre que personne ne voulait produire, parce que les gens trouvaient qu'il n'était pas encore une virtuose du chant, qui s'appelait Awile Longomba, okay. Et qui s'avère aujourd'hui être parmi les artistes africains les plus connus, ouais. Tout simplement. Et reconnu. Pourquoi? Et reconnu, oui. Tout simplement pourquoi? Parce que c'est une question de feeling. Tu l'as trouvé et tu... Voilà. Tu lui as demandé... Est-ce que tu donnes ton point de vue? Sans doute que oui. Oui, je donne mon point de vue, parce qu'une fois qu'après on se met d'accord et qu'on décide de parler, j'essaie d'être un espérant, j'espère d'être un coach pour la simple et unique raison, c'est que j'ai quand même 30 ans de métier. Oui. Et que je me suis occupé d'un monsieur qui est très très très connu au Canada. Oui, au Québec. Qui s'appelle Monsieur Orlus Mabélé. Exactement. Et voilà, qui a participé à de nombreux festivals. Festival de jazz, entre autres. De jazz, oui. Entre autres. Donc j'ai fait quand même 25 ans de production avec lui. Okay. Donc j'ai quand même ce don-là de dire, voilà l'artiste qui va plaire. Alors tu as l'oreille. J'ai l'oreille. Et puis j'ai cette sensibilité aussi de la découverte et de pouvoir joindre l'ultime à l'agréable. Qu'est-ce qui te plaît chez elle? Le look. Le look. Oui, mais... Juste le look. Et puis après, dans la musique? La façon d'être et puis la folie, le grain de folie, parce que je pense que pour être artiste, il faut être un petit peu marginal. Parce que ce qui décale l'artiste de nous les autres, c'est qu'ils ont cette marginalité que nous n'avons pas. Ouais. Ils ont cette façon d'extravagance que vous avez élaboré, que eux ils appelleront pas extravagance, qui les démarque de non, nous. Non, parce que c'est normal. Que en eux fait. Ils trouveront sincèrement que c'est une normalité. Parce que un artiste, c'est quelqu'un sincèrement qui vient du commun des mortels. Ouais. Parce qu'un artiste, s'il est identifié à nous, il n'est plus artiste. Back, walk us back to me. moitié de l'eau. Et toi, tu sais repérer ça? Je sais repérer ça. Par la grâce de Dieu, je repère ça. Et depuis des années, j'ai toujours su trouver cette civilité qui fait que entre l'artiste et nous, il y a une différence. Est-ce que tu lui as trouvé un chant? Non, je n'ai pas trouvé de chant. Ce que je l'ai trouvé sincèrement est que moi, c'est trois choses que j'essaie toujours d'approfondir chez un artiste. Oui. La première, c'est que l'artiste ait confiance en elle-même. Okay. Et ça, c'est déjà là, au début, ils n'ont pas tous la confiance parce qu'ils ont des doutes, parce qu'ils ont eu des vécus. Merci. Ils ont eu des vécus qui ont fait qu'à un moment donné, on ne les a pas donné toute la confiance qui les est due. Okay. Donc moi, cette confiance-là, j'ai envie qu'il acquiert cette confiance à travers moi. La deuxième chose que je voudrais chez un artiste, c'est que l'artiste ait la créativité. Et cette créativité n'est toujours pas donnée à l'artiste, parce que la créativité est donnée à l'artiste de par l'identification qu'un producteur voudrait retrouver à un artiste. Quand un producteur prend l'artiste, c'est pour lui dire « j'aimerais que tu sois un tel, j'aimerais que tu te refères par rapport à un tel ». Or que l'artiste, si l'artiste doit s'exprimer, il faudrait que l'artiste ait l'estime de soi. Oui, ok. Et cette estime de soi, si tu ne l'as pas, ben je pense que tu vas faire de telle manière qu'on écrive pour toi, qu'on parle pour toi, et qu'on dresse pour toi, et tu sors d'un cadre. Maintenant, une fois que tu t'es identifié, que tu as eu l'estime de soi, que tu es identifié et reconnu en tant qu'artiste, tu peux aussi après t'associer avec d'autres personnes qui vont t'apporter une complémentarité. Oui. Mais est-ce que tu leur dis ça à prime abord, au début? Salut, j'aime bien ton style et voilà ce que j'aimerais faire avec toi pour poursuivre ta carrière. Est-ce que tu lui amènes un peu ce que tu viens de me raconter là? La différence entre moi et les autres, oui, c'est que je suis beaucoup plus exigeant sur la discipline. Mais pas sur l'écriture, ni sur le style musical. Quelle discipline? La preuve, très, okay, très peu d'artistes européens arrivent à l'heure dans des réunions. Ah, c'est vrai. Nous, on est à l'heure. Oui, c'est vrai. On est arrivé à moins 20. Ok, ok. Alors, c'est toi, c'est ça, ça vient de toi. Ça vient de moi. Ouais. Okay. Parce que moi, je ne fais pas de cadeaux. Il m'a changé en fait. Et quand ils avaient leur truc et qu'ils revenaient comme ils voulaient, quand ils avaient leur façon de penser qu'ils avaient le pouvoir de décider comme eux ils voulaient, moi je leur dis non. En ce qui concerne le professionnalisme, c'est moi qui décide. Je trouve que tout respect artistique commence déjà sincèrement par la ponctualité. Donc j'acquiers déjà la ponctualité à l'artiste. Ça c'est un. De deux, je suis à l'écoute. Je suis à l'écoute de l'artiste parce que je voudrais que l'artiste, quand il ne se retrouve pas dans sa créativité, qu'elle ne nous accuse pas, nous, okay, mais qu'elle dise, j'ai voulu faire, mais je pense que je me suis trompé. Okay. Et que toi, tu es là pour leur dire, fais attention, c'est pas vraiment ton style, tu les vois un peu changer, ça modifie, et tu peux donner ton grain de sel là-dedans. Voilà, je vais même vous donner une identification pour faire le... Quand je suis arrivé, que je voulais faire un projet avec elle, elle a dit, je voulais un slip en fer. Et je dis, un slip en fer, ça risque d'être mal pris, parce que l'ère dans laquelle nous sommes, il y a des féministes. Elle m'a dit, je veux un symbole. Et pour moi, c'est un symbole et je gère la maîtrise de ce que j'ai envie de faire. Ok, il n'y a pas de souci. Donne-moi tes mensurations. Elle me les a données. On a confectionné le slip en fer aujourd'hui qui est en train de faire le buzz dans tout Paris et dans toutes les télévisions françaises. Parce qu'elle a fait aussi des émissions françaises il n'y a pas longtemps dans les télévisions. Oui. Parce que cette... comment s'appelle ce slip en fer, et elle appelle caleçon de confiance, amène aujourd'hui à une polémique qui fait que ça fait parler d'elle. Est-ce que c'est voulu, est-ce que c'est imposé ou est-ce que c'est pensé? Et c'est là que moi, en tant que personnage qui arrive à leur donner la parole, à leur donner l'authenticité, à leur donner la confiance que d'autres producteurs ne les auraient pas donné, moi je pense que c'est là que je me démarque des autres producteurs. Ah mais c'est bien, alors toi quand même, t'es bien chapeauté. Oui, oui, parce que en fait, moi j'adore parce que, enfin moi il me faut, alors je suis quoi, comme de l'eau, pas ici, tourne là, donc je fais comme ça, parce que sinon moi je vais partout, je suis comme ça. Il te ramène. Voilà, il me ramène comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Alors c'est une belle complicité mais, depuis voilà, mais je suis plein d'idées. Tous les jours je lui dis, bon voilà, il y a telle chose là, hein. Voilà, bon. Elle me dit, qu'on soit ça, l'autre ça quelque part, on continue d'abord ça. Okay. Comme ça. Et donc je note à côté. Et puis dès qu'on a fini ça, on revient là-dessus. Et moi j'aime ça parce que personne ne m'avait jamais donné cette opportunité de faire les choses comme ça. Et toutes mes petites chansons que je chantais, que les gens rigolaient, il m'a dit va les chanter. Et quand j'arrive au studio, et comme ça me vient avec les sons directement, et ça, pff, les gens ils aiment. Ah oui, ben oui, ben oui. Mais on aime aussi avant tout la personne. Oui, oui, on aime la personne parce que la personne est l'amour. Hein. Oui, oui. Mais... c'est la personne en elle-même, Jésus, amour. C'est-à-dire. Mmh. Ça... mais c'est un personnage aussi. Alors moi, alors les gens vont dire c'est un personnage, mais je ne joue aucun rôle. Je et c'est le tien, et comme ça Gainsbourg, et voilà. C'est le mien. Voilà. Alors, donc, je suis comme ça, naturellement, je ne joue pas de rôle. Si je joue un rôle, c'est que ça s'est arrêté depuis longtemps. Ou alors il faudrait qu'on essaie de toujours me dire fais ça. Non, non, non. Je suis naturellement comme ça depuis que je suis toute petite. Mais qu'est-ce qui t'a amené à la musique? On a parlé tout à l'heure. On a dit mes parents. Oui. Et puis après... Surtout ton père. Oui, mon père, oui. Mon père, parce qu'on ne peut pas passer autant de temps avec son père sans pouvoir chanter. Parce que, il faisait que ça. Il apprenait les chansons aux enfants, parce qu'il était aussi maître d'école. Et il apprenait les chansons aux enfants, il apprenait aux grands, il apprenait dans les chorales, il apprenait dans la mission. Et partout, mon père peut chanter ici toutes les voix. Il ne se limite pas seulement à la voix grave, il pouvait prendre les... Il y a plusieurs octaves. Voilà, il avait tout ça. Et toi, donc, qu'est-ce qui t'a amené à ton style musical actuel? Alors, mon style musical, c'est toute petite parce que moi, je suis quelqu'un qui... déjà, je customise des choses. Mes premières chaussures à 6 ans, en carton avec des cordes de bananier et une jupe en feuille de bananier. Je vais à l'école comme ça. Mais qu'est-ce que les professeurs disaient? Je fais mes petits citrons de soutien parce que je n'avais pas les seins. Mais qu'est-ce que les professeurs disaient? Excusez-moi, je fais les petits soutiens, bon, je vais comme ça. Oui, hein? Oui, mais qu'est-ce que les professeurs disaient? Ah, voilà. On l'adore, elle est comme ça, elle nous fait rire. Ok. Voilà, donc... alors tu étais déjà n'importe qui, j'appelle au téléphone, mais c'est « Hey, waouh, waouh, hey, wow, wow. Ah, ouais, ouais, ouais. » Aujourd'hui, on a rigolé, on a fait une heure avec elle, on rigole. Moi, c'est comme ça. Et donc, ce côté-là, et puis après, j'ai été chez les religieuses. Oh. Pendant 4 ans, de la troisième en terminale. Ouais. Donc, c'est qui m'a encore rendu... parce que là-bas, on apprend à chanter, on chante tout le temps. Et dans les prières et tout ça, donc ça aussi... Alors ça, c'est un peu le gospel de ton père. Voilà, et donc ça m'a aussi aidé. Et puis après, quand j'arrive en France, et puis après... Mais qu'est-ce qui t'a amené ici? Ah, les études, parce que j'ai fait des études de philosophie. Ouais. Donc je suis venue continuer mes études en France. Donc c'est après des rencontres, fil à aiguille, je fais le malikina quelque part pour avoir un peu d'argent. Et puis voilà, je danse dans les clips des gens. Et comme ça, on me repère, on dit voilà, elle a un look, on la veut chez nous. Non, on veut qu'elle chante. Non, mais pourquoi en philosophie, ça, on te voit très loin de la professeure de philo ou de la... Ah non, mais je pense ceux qui me voient très loin ne savent pas qu'est-ce que c'est que la philosophie, parce qu'on fait de la philosophie tous les jours, même ceux que nous sommes en train de faire, toutes les explications, des explications philosophiques, hein. Oui. Donc voilà, donc, je vis ça, moi je vis la philosophie. Alors tu es philosophe, tu es philosophie. Je fais philosophie dans la vie. Ouais. Est-ce que dans tes chansons, tu veux apporter un peu de ce que tu as appris à l'école, dans tes cours de philo, ou tu veux... Oui, dans mes chansons, voilà, comme par exemple le Pascal disait tout ce que vous pensez que c'est bon chez vous, ce n'est pas aussi bon chez les autres. Ah oui. Voilà. Donc, vérité en dessous des Pyrénées, erreur au-delà. Ah, et donc, dans une de mes chansons, comme je dis, dans une de mes chansons, toi qui me dis que moi je suis comme ça, et toi, est-ce que tu as vu comme ça? Donc, moi aussi, je peux dire que toi aussi, tu es comme ça. Donc, c'est, en fait, je fais de la philosophie tout en ne mettant pas tel philosophe a dit, mais c'est à ta manière. À ma manière. À ta sauce. Voilà, voilà. Je le ramène un peu terre à terre pour que les gens comprennent un peu de quoi je parle, en fait. And oh Lord, he's a sinner. Lord, Lord, Lord, would you please? He's a sinner, sinner. And oh Lord, he's a sinner. Lord, Lord, Lord, would you? He's a sinner. Lord, Lord, Lord, would you please? And oh Lord. put a blessing on. Lord, Lord, Lord, would you please send us? Sur Internet, on te voit sur YouTube, t'es vraiment l'énergie, t'es festive, t'es l'été même. Merci, Renan! Est-ce que tu étais comme ça enfant et c'est la continuation? Oui, c'est la continuation. J'ai toujours été comme ça. J'ai toujours été meneuse d'équipe, en fait, c'est mon père qui m'a mis ça. Une gagnante, en fait. Je suis toujours une gagnante. Non, il ne faut pas. Comme il était maître d'école, il fallait que ses enfants soient les derniers. Oui, il fallait toujours qu'on soit parmi les premiers, alors les trois premiers, en fait. Oui. Si on n'est pas première, il faut qu'on soit deuxième ou troisième, pas après. Donc, tout ce que je fais, je vise toujours la première place, hein. Même si je ne le dis pas. Hein. Enfin, papa, je ne veux pas le dire, mais bon, je dis, bon, il faut quand même... Quand je passe, je fais une émission, je viens toujours demander est-ce que ça s'est bien passé, parce que je veux savoir. Parce que lui c'est un œil extérieur. Voilà, donc, voilà, toujours savoir si je fais bien, est-ce que ça s'est très bien passé, est-ce que voilà, c'est comme ça. Et puis toi t'es honnête. Et papa il était comme ça, il était toujours. Oui, non, il faut améliorer. Je fais. Bon, déjà c'est ce qu'on en fait, on a juste besoin de la coacher parce que c'est quand même une intellectuelle, c'est quelqu'un qui a la parole facile. C'est quelqu'un qui a l'estime de soi et c'est quelqu'un qui a l'égocentrisme en elle-même. Parce que c'est pour ça que si on la demande sincèrement quelle est sa préférence, elle commencera par dire elle avant de dire les autres. Et c'est tout à fait normal. Nous, on est là juste après pour juste qu'elle ne dévie pas trop. Focaliser. Voilà. Et que quand elle perd un petit peu la notion, par exemple, Nisongo ne fait pas partie de notre catalogue, donc c'est une rectification, mais Alpha Blondie en fait partie. Pardon. Okay. Que nous, on soit juste la rectification de la petite, inattention qu'elle aura, mais sinon on trouve sincèrement qu'elle n'a pas grand chose à apprendre de nous. Alors t'as pas grand chose à dire sauf continue et sois toi-même? Oui, parce que quand nous on est arrivé vers elle, je pense qu'elle faisait partie déjà de l'objectif et de, comment ça s'appelle, de la détermination et du profil d'artiste que nous on voulait avoir dans l'écurie. Donc, c'est-à-dire d'abord, un artiste, c'est fait de trois choses. Hein. Le premier, déjà, artistiquement, si on ne te reconnaît pas physiquement, c'est foutu. C'est foutu. Ouais. Maintenant, après, si tu es très talentueux, il va falloir que tu rattrapes tout ce, comment ça s'appelle, ce chien que tu n'auras pas en toi, que tu le détermines par la voix ou par ta personnalité. Par ton propre style. Par ton propre style. Mais le premier critère aujourd'hui artistiquement, c'est le look. Le visuel. Et indéniablement, ce vécu de ce visuel-là, nous, on l'a eu, on travaillait et on en est ravis. Et aujourd'hui, elle écrit ses paroles. Et sa rencontre, elle va en parler elle-même, sa rencontre avec Doc Gynéco, c'est une rencontre incroyable. Donc elle a fait un duo avec Doc Gynéco. Oui, effectivement. Et cette rencontre-là, c'est fait par hasard ou On était allés, il m'avait amené, il m'avait donné rendez-vous dans un studio. Et je suis allée dans le studio le retrouver là-bas et lui, il avait. Devait travailler avec ce garçon parce qu'il est produit aussi, il produit ses artistes. Et j'arrive là-bas et le gars dit, bon voilà, je fais les sons. Et après, il a dit, je peux faire écouter à Gaga mes sons. Donc, il commence à mettre les sons, les sons, ils passent, j'écoute, les sons, ils passent, j'écoute. Un temps, je dis, comme je suis un peu, ce son-là, ce son-là. Donc, il a remis le son. Et pendant qu'il remet le son, j'écoute le son, je place ma chanson dessus directement. Tac, tac, tac, tac, tac, tac, je la chante directement. On dit oui. Mais ça colle. Et le gars, il a dit, après, tu peux continuer l'histoire parce qu'après moi... Le gars a dit, moi je suis l'arrangeur de Doc Gynéco. Je pense que le personnage a un look. Le personnage peut coller avec Doc Gynéco. Moi, je fais une photo d'elle, j'envoie l'information à Doc Gynéco tout de suite. Et si c'est possible, vous ferez un duo ensemble. Donc, il envoie instantanément à Doc Gynéco le profil de l'artiste. En 5 minutes, Doc Gynéco répond, je suis libre demain. Et on était au studio. Donc, ça veut dire le lendemain. Et moi, comme je connais pratiquement tous les patrons de studio, je me suis dit, c'est une opportunité. Et c'est spontané, donc c'est pas la peine de mettre trop de temps pour battre le fer pendant qu'il est chaud. Donc j'ai tout de suite appelé un studio qui était disponible. On a retransmis l'information à Doc Gynéco. Le lendemain, à 10h du matin, ils ont fait la rencontre. Ils se sont mis chacun dans leur coin. Ils ont donné le thème de l'écriture. Ils ont écrit en 10 minutes. Ils se sont retrouvés dans la cabine. Et on a sorti une chanson, ils ont enregistré l'émission. Une chanson qui va péter aussi. Voilà, et qui va faire vraiment... Et c'est pourquoi, tout simplement, si on voulait passer par le chemin de la facilité, tu mets le morceau de Doc Gynéco et Gaga en featuring. Doc Gynéco qui a déjà un vécu très énorme en France, Gaga qui a un look extrême, et ça fait tout de suite boum. Mais on n'a pas envie de faire cette démarche-là. On l'a gardée. Okay. On veut sortir un, deux singles. Quand elle arrivera sur le marché... Avec Doc Gynéco? Non. Okay. Quand elle arrivera sur le marché avec le morceau de Doc Gynéco, elle ne sera plus une illustre inconnue. Okay. On saura déjà qui est arrivé. Okay. On voit déjà la canaille. Voilà, et ce sera aussi beau de retrospectivement revenir sur la rencontre de Doc Gynéco avec elle. La petite histoire derrière. Petite histoire derrière, et elle sera belle. Et puis là, c'est pour quand? Je pense que la surprise, elle est pour bientôt. Ok. Mais là, vous travaillez sur les deux chansons ou c'est déjà... On a déjà enregistré tout des morceaux. Tout est fait, masterisé. Alors là, tu attends le moment propice pour pouvoir le sortir. 10 titres d'elle, avec inclus Doc Gynéco, sont déjà mixés, finis, masterisés. On aurait même à dire oui pour sortir la pastille, le CD. Voilà, on aurait même pu sortir Doc Gynéco cet été-là, mais c'est pas ça l'objectif. Ok, et toi, tu l'as déjà prévu et tu veux pas en parler, c'est ça? Moi, c'est pas à moi d'en parler parce que je trouve que l'artiste, elle, il faut qu'elle s'affirme. Il faut qu'elle prenne du volume et il faut que quand la rencontre de elle et Doc Gynéco arrivera, il faudrait que ça soit à un moment donné où ils sont prêts tous les deux. Pas parce que moi je les ai engagés. Ok. Et donc tu laisses aller? Je laisse aller. Mais c'est pour très bientôt. C'est pour très, très bientôt. Okay. Ah oui, oui. Et là, c'est quand même une effervescence, c'est quand même quelque chose d'excitant pour toi. C'est quoi? C'est vraiment le moment où on va se focaliser sur toi. Et comment tu prends ça? Es-tu prête? Es-tu psychologiquement? Tout est zen dans ma tête. Moi, je suis quelqu'un de vraiment très, très zen. Hein? La zen attitude, j'ai toujours dit. Hein? Peace and love, zen attitude, et les choses coulent comme l'eau de source. Et c'est toi qui... Je ne me prends pas la tête pour ça. Okay. Je sais que ça va arriver et que ce sera bien. Et qu'actuellement, je suis sur « c'est pas gratuit ». Et qu'après, je vais enchaîner sur « ouvrir le chéquier ». Oui. Voilà, « c'est pas gratuit », après « ouvrir le chéquier ». Et... Est-ce que c'est toi qui tiens tout ça avant de lancer la fauve ou est-ce que tu te sens prête à tout ça, à toute cette effervescence qui arrivera? Je suis bien entourée, j'ai la production, management et tout ça. Donc c'est des personnes qui me suivent très bien et qui font attention. Mais depuis que Parce que moi, tant que je suis entourée de l'amour, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de frustration, m'embête pas avec... Non. S'il n'y a que du positif, hein. Même si la joie est à l'extrême, ça ne va pas me péter le cœur. Oui. Ça va tout simplement me remplir le cœur. Hein. Mais s'il y a des frustrations, je n'arrive pas à gérer la frustration. Je gère la joie, parce que je suis dans la joie tout le temps. Mais quand c'est une frustration, je ne sais pas gérer. Je pleure. Il ne faut pas que ça arrive ou que ça soit dans la frustration. Ça ne va pas être bon. Mais quand ça va arriver, ce sera dans la joie. Donc, ce sera positif, tout simplement. Et lorsque tu écris tes paroles, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux amener comme propos? Alors, moi, je fais dans tout. Hein. J'ai écouté ici. Je rentre ici dans ce restaurant ou dans ce café. On me pose la question, on me dit quelque chose. Il y a un mot qui me retient. Et si le Seigneur veut en ce moment-là, j'ai directement le son qui arrive en même temps avec les paroles. I get CKRL-MF, le 89.1 à Québec, avec Reynald Barlier. Quelque chose. Et après, si j'ai peur que le son parte, je me déplace. Okay. Pour capter le moment. Pour capter, je l'enregistre. Un tout petit peu, c'est suffisant. C'est juste pour te rappeler. Voilà. Parce que parfois, ça vient, ça repart. Ok. Donc, lorsque c'est là, il faut le garder. Voilà, donc, je le garde et après, je lui en parle. Parfois, il me dit non, ne me dis pas. Parce que toi, tout ce que tu. Les choses que tu arrives, après, c'est tellement facile à chanter. Que je commence à les chanter en route et toi tu n'aimes pas ça, moi je n'aime pas ça. Ah, okay. Parce que je lui dis toujours, tant que c'est pas sorti, s'il te plaît. Mais alors, parfois il arrive des moments où il voit la situation, il veut chanter la chanson. J'ai dit, mais c'est comme. Voilà, j'ai dit non, s'il te plaît, ne chante pas, attendons que ça sorte. Mais en 4 ans, il y a eu beaucoup de changements dans ta carrière dû à ce monsieur. Oui. Beaucoup d'évolution et l'écoute aussi. Parce qu'avant, je ne m'écoutais pas en fait. Donc, comme je lui dis, il y a une chanson que ma grand-mère m'a portée dans le rêve. Pendant toute la nuit, ma grand-mère et moi, on a chanté la chanson. Mais comme à l'époque, je n'étais pas à l'écoute, On a chanté, je me suis réveillée. J'avais la chanson, mais j'arrivais plus à la chanter. J'ai essayé de faire semblant de redormir pour fermer les yeux pour que la chanson vienne. Elle n'est plus jamais revenue. Et je prie tous les jours pour que, parce que c'était trop festif. Ah ouais. Je prie tous les jours qu'elle revienne dans ma tête et qu'elle me donne cette chanson. Et avec lui, il m'a dit, il faut apprendre à t'écouter. La vibration intérieure. Voilà. Si ça t'arrive, c'est lui qui m'a même dit, déplace-toi, enregistre la chanson. Parce que ça arrive comme ça. Après, ouais. Tu peux rester, ouais. On peut rester 2 ou 3 mois sans que rien n'arrive. Mmh. Mais quand je l'ai rencontré, paf. C'était même, je suis au studio, j'ai un truc. Et après, il me repaye au studio pour enregistrer celui-là encore. Chaque fois, c'était comme ça. Alors, ça va faire un album très, très explosif, très énergique. Oui. Énergique, mais il y a des chansons aussi qui sont douces. Des chansons de mon enfance qui reflètent vraiment, qui parlent de moi, de tout petit jusqu'à quand je suis devenue grande et tout, machin, et aujourd'hui. Donc, mais tout ça, c'est... Merci. Est-ce que tu vois... Si tu m'entends, merci messieurs, dis-moi où es-tu nous. Est-ce que tu te vois déjà préparer un spectacle après la sortie de cet album? Oui, parce qu'on a prévu beaucoup de live. On va faire beaucoup de live. Et puis voilà, comme c'est vraiment une grande maison de production, ils ont déjà préparé un staff de musiciens pour m'accompagner en fait. OK. Voilà. Pour une tournée éventuelle? Tournée, spectacle en Paris, tournée au Canada, au Québec, partout. Et donc, est-ce que tu te sens quand même, oui, l'album est là, donc... Oui, parce que j'aime le live, voilà. Parce que vie, le live, ça me permet de m'exprimer encore autrement. C'est-à-dire, je ne reste pas concentrée sur la chanson. Je peux sortir de la chanson et faire autre chose. Comme je suis comme ça, il ne faut pas me serrer. Alors toi, tu es bonne pour l'improvisation. C'est pour ça qu'il ne faut pas me serrer. Il faut me laisser m'exprimer. En musique, est-ce que tu as des choses préparées ou si tu es prête à exploser, à t'en aller dans toutes les directions puis à revenir après ça à ta chanson? Oui, oui. Comme le jazz. Comme le jazz, c'est ça. Oui. Alors, c'est une facilité pour toi. Oui. Donc, si on va voir ton spectacle 4 fois, ça ne sera pas la même chose. Ça ne sera pas la même chose, parce que moi, on dit qu'on ne boit pas la même eau tous les jours. Parce que dans une rivière, on a bu, elle est coulée, on reboit autre chose. C'est comme ça que je suis. Okay. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous m'avez vu comme ça. Et demain, c'est autre chose. Demain, ce sera une autre personne. Mais toujours avec la joie, mais autrement. Mais la joie, c'est ce qui te représente très bien. Absolument. Absolument. Et ce que tu proposes aux gens, c'est aussi de semer la joie que toi tu as. Alors, si j'ai eu cette chance, beaucoup de chance, parce qu'on dit toujours, toutes les personnes qui ont la chance d'être joyeux, il faut qu'ils essayent de le transmettre aux autres. Et faire en sorte que ceux qui sont autour, qu'ils soient joyeux autant. Voilà. Mais moi-même, avec cette énergie, j'ai des amis, des femmes, qui me disent, moi... je suis un handicapé, je ne fais pas, je lui ai dit, en positive. L'énergie, mon énergie, je l'envoie. Je sais, vous ne pouvez pas faire ci, vous ne pouvez pas faire ça, mais faites ça au moins. Ouais. Il me dit, on t'adore, parce que... Non. Et, okay, je voulais être dans le clip, mais lui, je lui ai promis, il sera dans mon prochain clip. Il dit, vous serez dans le clip de telle chanson. Mais en même temps... Je ferai tout pour que vous soyez dans le clip. Il dit, si je pouvais venir, je serais venu. Mais nous, on a décidé, on va le faire venir pour être dans ce clip-là. Parce que nous, on a... Je sais pas... Tu vas montrer la différence aussi. Voilà. Tu peux être heureux et être en fauteuil roulant, comme tu peux être malheureux et avoir tes deux jambes. Voilà. Un enfant, une personne âgée, n'importe qui, je me sens toujours bien avec la personne. C'est l'humanisme, c'est le côté humaniste. La philosophie, c'est ça aussi, c'est comprendre les gens à travers des réflexions. Mais vraiment, je la vis, la philosophie, je la vis et je vais être, au lieu de dire, ce sera redondant de dire Javard Cristal fait de la philosophie, Javard Cristal. Je vais joindre tout ça en même temps. La philosophie en elle-même. Et dans tes chansons, qu'est-ce que tu veux raconter? Parce que tu ne l'as pas vraiment dit tout à l'heure. Qu'est-ce que tu veux apporter à part... Alors, mais je sais pas si... puisqu'on les sort, les chansons, on les sort au fur et à mesure. Okay. Sinon, je vous dirai tout le monde, mais je n'ai pas envie de dire tout ce que je... Parce qu'après... C'est à nous de comprendre. Voilà, il faut revenir pour ça. Non, mais, bon, non, mais c'est, dire. Il faut le Alors, par exemple, la chanson, là, c'est pas gratuit, déjà. tout le monde me dit ça coûte combien. Voilà, parce qu'ils veulent ramener tout au bas-ventre. Ouais, ouais, ouais, ouais. Et donc, alors que moi, ce n'est pas du tout ça. Non. Je leur ai dit, le jour où vous entendrez mes interviews, vous me verrez à la télévision, à la radio, vous saurez que ce n'est pas le bas-ventre, en fait. Le prix, ce n'est pas le bas-ventre. Ça ne coûte pas 10 000 euros, ça ne coûte pas 5 euros, ça ne coûte pas 100 000 dollars. Voilà. Ça coûte la confiance et ouais. Le respect. Ouais. C'est ça la clé. C'est vrai. Mmh. Et il fallait qu'il y ait un symbole. Et le symbole, c'est le caleçon de confiance, le caleçon en fer, monté d'un cadenas qui mérite le respect. Oui, oui, oui, c'est ça. Ouais. Et donc, à travers tout ça, tu veux apporter une réflexion? Une petite réflexion. Non, j'amène des gens à réfléchir. Pas moralisateur. C'est ça, c'est ça. Pas moralisateur, c'est ça le mot que je cherchais. Merci beaucoup. Voilà, petite réflexion, mais pas moralisateur. Okay. Est-ce qu'il a trouvé la clé? Est-ce que la clé que lui aurait trouvée, c'est la même clé que la tienne? Non, chacun fait de... Comprends ce qu'il veut. Voilà, seulement que dans une relation, qu'il y ait un respect, c'est tout, et une confiance, voilà. Je ne veux pas savoir qu'est-ce qu'ils font. La confiance, le respect, vous avez la clé. Et tu dois te sentir... Est-ce que tu te sens plus à l'aise en studio ou sur scène? Ou les deux, c'est différent? Les deux, ben, je m'éclate au studio parce que je... Comme il m'amène pas dans n'importe quel studio, il m'amène dans les studios où il travaille toujours avec les mêmes personnes depuis 30 ans. Donc je me sens vraiment comme un poisson dans l'eau. Après, quand j'arrive, Gaga, mets-toi à l'aise, éclate-toi, donne-nous le show. Donc même au studio, je fais le show. C'est et là, on ouvre le micro et on capte, hein, c'est ça? Oui, parce que pourquoi? Tout simplement parce que nous, aujourd'hui, on est différents, on fait du live. C'est des vraies basses. Oui, OK. C'est des vrais musiciens. Comme des années 60 avec Brel, tout voilà, ça. C'était voilà. Les mêmes musiciens sur scène. Voilà, les mêmes musiciens sur scène. Donc, au studio, c'est ça aussi. C'est pas de la programmation. Et à partir de là, tu vis déjà la chose. C'est une autre âme. Ah, c'est oui. Pas la programmation. Non, non. Et l'erreur, on a droit à l'erreur là, dans ton studio, toi. Non, on a le droit à l'erreur parce que... Pourquoi? Tout simplement parce qu'on est en famille. Oui. On n'a pas pris par la pression ni par le temps. Et tout ce qui nous importe, c'est la perfection. Parce que tous ceux qui sont là sont des perfectionnistes. Ah oui. Et il faudrait perfectionner ah oui. La chose. Donc on ne se met aucune pression. Donc on a le droit à l'erreur. Mais le résultat final, une fois qu'on a fini de mixer, on n'a plus le droit de se poser des questions. La tendance est de savoir est-ce qu'on aime ou est-ce qu'on n'aime pas. Elle on peut dit... aimer comme on peut ne pas aimer. Johnny l'a dit. Ah, Gaga, ah, j'ai dit, il me fait vraiment avoir une voix comme ça. J'ai dit, Johnny, je ne suis pas sûr que je vais le faire. Tu vas le faire. Ah. Alors c'est et sûr. Quand je l'ai fait, j'étais très contente, mais c'est sur d'autres chansons. Hein. J'étais très contente, elle m'a dit, je t'ai dit tu vas le faire, t'as trop peur, tu vas le faire. Alors ouais. c'est il m'a aussi... trop bien scotché. Ouais. Et, toi, scotché tu... ouais. Et toi, tu la connais très bien, donc tu sais ce qu'elle peut sortir d'elle. Je ne la connais pas très bien, mais les gens avec lesquels je travaille, qui sont des perfectionnistes et des psychologues en la matière, et qui sont vraiment des gens, des coachs qui ont l'expérience, à un moment donné, arrive à l'amener à là où il pense qu'elle peut être meilleure. Et c'est ça qui est important parce qu'en fin de compte, on devient meilleur quand on est encadré. On devient meilleur quand on a pris l'estime de soi. Je pense que pour être dépassé, pour ordonner le meilleur rendement de soi, on ne peut pas y arriver si on n'a pas l'estime de soi. Tell her that I'm well, and if by chance you have the chance, to make sweet Nellie's wife. But on the way he heard him say that Jack and Nell were wet. And then he deeply regretted that he had ever said, give my love to Nellie Jack, kiss her once for me. The fairest girl in all the world, I'm sure you'll say to she. Treat her kindly, Jack, old pal, and tell her that I'm well. And if by chance you have a chance, give my love to Nell. The next girl I ever learned to love, I'm gonna kiss her for myself. I won't be angry with you, Jack, since you are truly wed. And as the boy shook hands to pour, and then again he said, give my love to Nellie Jack, kiss her once for me. The fairest girl in all the world, I'm sure you'll say to she. Treat her kindly, Jack, old pal, and tell her that I'm well. And if by chance you have the chance, give my love to Nell. Elle te surprend encore? Tu la connais plus qu'à l'heure? Je suis très surpris, je suis très surpris parce que je faisais partie de ceux qui, au prime abord, constater, pas critiquer, parce que la critique et, et le constat, c'est deux choses. Ouais. Et donc, il constatait. Et autour de moi, il n'y avait que la critique. Parce qu'il pensait que la marge d'évolution constante qui devait être le minimal pour elle, pour qu'elle puisse atteindre un public, ne pouvait pas être atteint. Mais moi, je n'avais aucun doute là-dessus, puisque c'est moi qui l'avais choisi. Et en fonction de ça, je savais aussi l'encadrement que je lui avais donné pour arriver à cette perfection et ce qu'on attendait d'elle. Mais au résultat final, ben, tout le monde a été bluffé, mais moi, je n'ai pas été bluffé. Okay. Parce que je savais sincèrement là où j'avais envie de l'amener et je savais que ceux qui l'entouraient avaient la capacité de pouvoir l'amener à la progression qui était la leur. Parce que tu travailles avec les mêmes depuis 30 ans, donc tu les connais, tu sais ce qui... Voilà, ce qui va arriver. Ce qui va arriver. Donc, de toute façon, nous, on sait maintenant que elle, elle a confiance en nous. Elle a une confiance en elle. On lui a donné le libre choix de son répertoire. Donc, en fonction de ça, elle ne peut sincèrement que s'épanouir. Et s'éclater. Et s'éclater. Et c'est ce qu'on sent aussi. Sur, dans les clips, on la sent vraiment voilà. 100% en confiance et... J'ai 10 questions et j'ai hâte de voir où ça va nous mener. Si tu étais un liquide. Si j'étais un liquide, je serais de l'eau. De l'eau de source, de l'eau... Non, de l'eau tout simplement, parce qu'on a besoin d'eau. Tout le monde a besoin d'eau. Tout le monde. C'est vital. Donc, c'est vrai. C'est, l'eau est précieuse. C'est vital. Si tu étais une ville... Je serais Ezeka. Ah oui? Pourquoi? Parce que c'est ma ville natale. Oui, c'est ça. Est-ce que ça a beaucoup changé? Non, ça, c'est une ville historique qui ne change pas beaucoup. Et, mais bon, ça m'a bercé. Mes petites études, études primaires, secondaires, mes 4 ans chez les religieuses. Donc, ça m'a vraiment. C'est ça qui m'a fait la base. Est-ce que tu y retournes? J'y retourne souvent, oui. Et tu ressens la même énergie? Parce que, non, c'est plus la même chose, parce que vraiment, peut-être que parce qu'on était enfants. Ah, oui, les yeux d'enfant, voilà. Ouais. Mais on garde, en fait, parce que nous, je pense que c'est partout dans le monde, c'est comme ça. Même celui qui n'est pas un cousin à moi m'appelle frère, sœur. Dans nous, on ne peut pas, quand on arrive, si j'arrive avec lui là-bas, il va dire, mais qui est ton propre frère, qui est ta propre sœur? Parce que tout le monde m'appelle ma sœur, tout le monde m'appelle j'appelle mon frère. Oui, c'est mon frère que j'ai eu au téléphone aujourd'hui. Mais c'est juste parce qu'on habite la même ville. Mais c'est parce qu'on connaît aussi les gens qui sont enracinés dans ce voilà, dans cet endroit. C'est comme ça. Voilà. Si tu étais une langue. La langue de bien parler aux gens. Si tu étais, on n'ira pas plus loin. Ah, non, non. On va laisser ça comme ça. Si tu étais une époque. Oh là là. L'époque vintage. Ah, oui. Enfin, moi, j'aimerais vraiment. Parce que je ne sais pas, je n'ai pas vécu à cette époque-là, mais je pense que les gens, la politesse, les femmes chic, belles, toujours quelque chose. Toutes les femmes étaient belles. Et tous les hommes étaient. Je trouve qu'ils étaient tous. Ils avaient ce respect envers l'autre. Je ne sais pas. Ou c'est les films même. Je pense que c'était comme ça. Aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Et c'est pour ça que j'aimerais ramener ça. Qu'on voit que même si on... parce qu'aujourd'hui... les choses ne subissent que des transformations. Voilà, et cette époque-là, on avait l'impression sincèrement que tout avait été conçu. Et on a vécu dans une ère où il y avait l'adéquation avec tellement de choses. Que si on dit vintage aujourd'hui, c'est parce qu'on disait que ça existait dans le présent et dans le passé. Et c'est pour ça que le mot vintage aujourd'hui, c'est beau. Il y avait les velours. Les velours, c'était à l'époque de nos parents. Ouais. Aujourd'hui, on se retrouve à mettre des velours, à mettre des pas d'éléphant. On pensait que les shorts, c'est quelque chose qui était inné aujourd'hui. Mais les chèques, les shorts et tout ça, c'était dans les années. Donc je pense que comme elle a... Et c'est machin, la plus belle des époques actuellement, c'était les années vintage. On ne réinvente rien. On ne réinvente rien. Les choses ne subissent que des transformations. Exactement, c'est cyclique. Donc. Voilà. Si tu étais... non, je l'ai dit ça. Si tu étais un mot. Hein? Un mot. Un mot? Un seul mot? Oui. voilà, il y a un signe. Là, ça, c'est un signe, parce que c'est le signe, je vois tout le temps. Ouais. Je serais un cœur. Le cœur. Cœur, juste un mot, cœur. Si tu étais un aliment. Non, mais attends. Moi, je veux être cet aliment qui apporte de la douceur. En même temps qu'ils réchauffent un peu le cœur. Ok. Alors, ils sont deux comme ça. Ouais. Il y a le piment. Oui. Il y a aussi le gingembre. Oui. Voilà. Et les deux sont très bons pour la santé. Les deux sont très bons pour la santé. Il faut en prendre beaucoup. Si tu étais une saison. Une saison. On a besoin de toutes les saisons. Hein. Oui. On a besoin de toutes les saisons. Oui. C'est pour ça, les gens qui disent j'aime l'été, je n'aime pas l'hiver, j'aime le printemps, non, on a besoin de tout ça. C'est Dieu qui a fait. On ne peut pas lui dire donne-nous que ça. Non. On a besoin de. Alors, les quatre. Les quatre saisons. Les saisons en Afrique, saison sèche, saison pluvieuse, on a besoin de tout ça. Et si tu étais un membre corporel? Un membre corporel. Alors. La tête, ben oui. Oui. C'est très utile d'avoir la tête, il ne faut pas la perdre. Surtout dans ce métier-là, il ne faut pas la perdre. Il ne faut pas perdre la tête. Et c'est pour ça que notre ami est là pour rafraîchir tout ça. Et... Parce que la tête, c'est tellement de cellules là-dedans qu'on ne sait pas, c'est un ordinateur qui est relié à tellement de membranes et c'est ça qui nous permet d'avoir le moment d'émotion. Effectivement. Voilà. Oui. C'est le déclencheur de l'émotion. C'est vrai. C'est vrai. On n'a plus la tête, on ne peut pas réfléchir, on ne peut rien faire. C'est ça qui on ne peut pas écrire, on ne peut pas penser, on ne peut rien. L'émotion. Ça, c'est important. L'émotion. On dit, vous pouvez tout m'enlever, vous ne pouvez pas enlever ce qu'il y a dans ma tête. Heureusement. C'est un moment de la journée. Moment de la journée? Pas le matin, c'est pas du matin. Non, ça, écoute, j'en étais convaincu. C'est pas du matin. Parce que tu te couches tard. Ah oui, je suis couche tard. Mm-hmm. Au moment de la journée, peut-être je serai 4 heures du matin. Ah oui. l'heure où tu te couches. Parce que je me réveille toujours à 4 heures, après je me rendors. Ok, ok. Et quand je me réveille à 4 heures, je fais des choses, après je me rendors. Sans parfois le vouloir. Je peux prendre mon portable instinctivement et machin et tout. Et après, je le refais retomber. Et tu t'endors. Donc, c'est vraiment un truc. C'est charnière. Et là, je peux avoir. Je peux me réveiller parce que peut-être il y a quelque chose qui m'a réveillé, il faut que je le note. Mais c'est une heure à laquelle je me réveille. Si tu étais un autre individu. Un autre individu? Un autre individu? Je serai moi. Je pense qu'on fait une seule personne, on est unique. Alors, je ne veux pas lui demander. Il m'a tellement donné de belles choses que je ne veux pas encore lui dire, bon voilà, tu m'as donné ça, bon voilà, il fallait me faire comme moi. Je peux juste imiter les gens, mais je ne veux pas être eux, je suis moi. À choisir, est-ce que tu fais le même chemin? Mais j'aurais aimé le rencontrer peut-être un peu plus tôt. Oui, mais en même temps... Mais parfois je lui dis non. Parfois je te dis non, je ne veux pas aimer te rencontrer plus tôt. Mais non, parce je que pense que prête. Maintenant, peut-être que tu ne m'aurais pas, m'aurais pas consacré autant de temps puisqu'il y avait beaucoup d'artistes très talentueux. Voilà. Donc c'est bon, j'accepte mon heure. Mais c'est bien, alors voilà. tu vas en profiter. Oui, je vais profiter. Et puis je vais faire profiter tout le monde. Qu'est-ce qui m'arrive, il faut que les autres en profitent. Voilà. Java Cristal, merci d'être passé à mon émission. Mais je vous remercie Raymond, c'est vraiment, je salue tout le monde, je salue tout le Québec. Et qu'est-ce qu'ils ne savent pas? Ils ne savent pas que... Tu peux tutoyer? Ben oui. Ils ne savent pas que tu m'as repéré sur les réseaux sociaux. Oui, ben oui, et c'est vraiment une belle porte. Une très belle opportunité. Une très belle opportunité parce que quand je veux leur dire, ils s'est déplacé du Québec pour venir me voir à Paris, les gens vont dire, mais ouais, vous vous connaissiez? Ben non. Je ne me connaissais pas. Non. Je ne connaissais pas Reynos. J'ai vu un petit message en bas. J'en ai parlé à mon producteur. J'ai dit, mais ça c'est Reynos. Et j'ai été voir sa page Facebook et j'ai vu que... je remercie... Seigneur, je te dis merci pour toutes les merveilles parce que les émissions télévisées, je fais en France, des gens me repèrent sur les réseaux sociaux. Donc, ouais. Et là, ce sera la radio. Et sans que vous soyez, et la radio. Et là, ce sera la radio. Et ce sera la radio. Et sans que vous soyez en contact les uns les autres. Donc, parce que si les gens sont en contact, ils peuvent dire, va la voir. Mais là, c'est les gens ne se connaissent pas. Ouais. Et donc, ça, je dis merci. Et merci à toi, Reynos, vraiment, d'avoir fait des milliers de kilomètres pour venir me voir. Ça fait plaisir. Voilà. Et on se souhaite le meilleur, et surtout l'album. Oui. Qui se prépare tranquillement. Ben, qui est déjà terminé, donc il reste juste la... Les sorties. Mais on a un single qui est d'actualité actuellement. Oui, je l'ai vu. Voilà. Et on va faire, au mois de décembre, on va sortir un autre single qui va permettre à Dada vraiment de prendre la notoriété. Et puis après, je pense que ce serait un projet très surprise et très surprenant pour tout le monde. Et je lui laisse le mot de la fin qui est la plus belle. Oui. D'abord, je pense que l'émission, c'est gratuit. Non, mais c'est pas gratuit. Non, il n'y a rien de gratuit. Il n'y a rien de gratuit. Hey, merci. Et ensuite, tout ce que je fais dans la vie est important. Même si cela ne dure qu'une seconde, l'essentiel, j'espère, à vous tous, vous allez vous en souvenir. Merci beaucoup, merci à tout le monde, merci à Reynolds, merci au Québec. Merci beaucoup, merci. Merci. Super. C'est imminent, la Gaga Africa, Java Cristal, Souka. Chief, oui, oui, le Bocho, je pense, le Nambolo, je ferai, le Figo, et même le Lolo. Tu es une cristal, beauté. Je te donnerai, donne, t'achèterai, achète, bichonnerai, bichonne, t'aimerai, aime, épouserai, épouse. Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.